Bonjour et bienvenue à une édition spéciale du Mathieu Plante Show. Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, on oublie la chronique télévisuelle Television. On oublie la chronique de science, technologie, médecine, merci, science. Pas de segment Geek CNX, pas de chronique de nos collaborateurs Samuel Girard et Frédéric Simon. Pourquoi? Eh bien, vous vous souvenez peut-être qu'on a déjà joué la collection musicale Spin Dash à l'hiver 2015. C'était super bon, ça nous a marqué, ça a super bien marché. Bonne nouvelle, il y a une suite nommée Spin Dash 2 qui est sortie en juillet 2017. Donc, dans cette édition spéciale, on va entendre la majorité du premier album ainsi que la totalité du deuxième album. Ça va être encore une fois excellent. Donc, on commence avec la première édition, celle d'il y a quelques années quand même. Donc, on réimagine la musique de Sonic the Hedgehog. C'est produit par le DJ Cutman. C'est 16 remixeurs de jeux vidéo. On va dans plein de styles différents, que ce soit le Future Bass, D&B, Drum and Bass, House Trance et même le Dubstep. On va connaître des pièces de l'ère du Genesis comme Chemical Plant et Ice Cap Zone. Il y a aussi des musiques de jeux plus récents de Sonic, entre autres Sonic Adventure 2 et Sonic Colors. On a débuté l'émission avec Coda, Please Go Fast, Hydro Sonic Mix basé sur Sonic 3, Hydro City Zone. On continue à l'instant, voici Prototype Raptor avec Chemix Trix, VIP Mix basé sur Sonic 2, Chemical Plant Zone. Au Mathieu Plante Show tout de suite.